avec moi, tous ensemble aujourd'hui, la main dans la main, remplissons nos cœurs d'amour et d'espoir. Solo vale lo que hagas ahora, es el momento, mañana es hoy. Siendo libre lo que viene, no lo dudes, será mejor. Apostando siempre a la emoción, apostando siempre al corazón, a la sensación de saber que diste todo, todo. Erreurs, mes pleurs aussi. Quand je suis dans tes bras, ma chérie, tu es ma source de bonheur. Avec toi, mon ami, le chien, mon fidèle compagnon, mon fidèle compagnon, mes chansons, mes illusions, tu me rends hommage.